Salut à toutes et à tous et bienvenue dans En Piste les artistes, l'émission culturelle de Radio Montmirail. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année d'En Piste les artistes et puis évidemment, nouvelle année pour moi, ça rime avec changement de format. Pourquoi changement de format ? Parce que j'ai une équipe élargie cette année autour de moi, avec tout d'abord Clément que vous connaissez un petit peu, mais pour le plaisir, il va se représenter. Bah oui, c'est de nouveau moi, c'est voilà, la petite voix qui a accompagné Manu de temps en temps l'année dernière, qui suit de retour aussi, occasionnellement, mais je vais être là, et puis c'est un plaisir de vous retrouver aussi cette année. Et puis surtout, on accueille un nouveau. Et on accueille un vrai nouveau qui, lui, n'était pas là l'an dernier. Ouais. C'est Lucas. Lucas, présente-toi pour les oreilles attentives de nos auditeurs. Salut à tous. Donc, moi, c'est Lucas et je vais être le nouveau chroniqueur dans cette super émission. Le nouveau chroniqueur de En Piste les artistes et qui suis très content de faire partie de cette nouvelle équipe. Une grande équipe, alors, qui en plus ne se résume pas à nous trois, puisque nous avons deux autres nouveaux qui n'ont pas jugé bon se déplacer aujourd'hui. Hein. Mais si, je suis là. Non, tu vas avoir aquapone ou quelque chose comme ça. Oui, ça devait être ça, ouais. Ou une grande randonnée. Oui, c'est pas faux. Voilà, avec les étapes qui s'appellent les bars. On les pardonne parce que c'est mes nouveaux collègues, donc moi je suis solidaire avec mes nouveaux collègues. Mais vous pourrez les retrouver dans d'autres émissions ou à l'ancienne Belgique, pour ceux qui connaissent, à Toulouse. Vous pouvez les croiser assez fréquemment. Magnifique bar d'ailleurs que je vous invite à aller visiter. Hein. On est une émission culturelle jusqu'au bout d'ailleurs, là-dessus. Et donc, nous allons continuer. Je vais vous faire une petite présentation de Manu d'abord. Ils ont d'abord eu la gentillesse, malgré tout. Alors, ils ne sont peut-être pas présents, mais ils ont eu la gentillesse de nous envoyer une petite présentation. Donc, on va les présenter parce qu'ils sont timides. Alors, commençons d'abord par la présentation sérieuse de Manu. Sérieuse. Alors oui, d'ailleurs, on va établir une règle de suite. Manu, c'est moi, et lui, c'est Manuel. D'accord. Parce que sinon, on va plus s'en sortir. Ah oui, c'est vrai que même moi, j'étais à la limite de confondre. Voilà, Manu, c'est moi, et Manuel, c'est l'autre. Donc, commençons maintenant par Manuel Gardès. Donc lui, c'est l'autre. Lui, c'est l'autre. Bonjour à toutes et à tous, moi, c'est Manuel, je suis passionné d'images autant fixes que mouvantes. Par les histoires qu'elles nous racontent, par les messages qu'elles nous livrent, par la vision du monde qu'elles nous transmettent. Ce faisant, je me ferai l'Indiana Jones de l'Expo Photo Toulousaine pour vous conter ma vision du travail de différents artistes. Je vous conseillerai ainsi les expos à ne pas manquer et les bons plans pour une après-midi haute en couleur ou monochrome selon vos goûts. Vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne écoute auprès de toute notre équipe. A très bientôt sur Radio Montmirail. On remercie Manu pour avoir présenté Manuel. Exactement. Merci beaucoup. Et puis maintenant, nous allons passer par... Confusant du tout. Par le dandy, le nouveau dandy de notre émission. Le seul, l'extravagant. C'est ça. L'unique. Dieu merci, c'est l'unique. Jérémy Falconetti. Alors, sa présentation. Bonjour à tous, mon nom est Jérémy Falconetti. Tout d'abord, désolé de ne pas pouvoir être présent ce soir. Nous apprendrons très vite à nous connaître sur le chemin. Dans cette émission, je serai chroniqueur, donc dans les milieux artistiques, surtout du théâtre. Que dire sinon à bientôt, et je finirai par une citation de Beckett, « Be kind to everyone and light up the night ». Oui, un grand amateur de la langue de Shakespeare. C'est beau, hein. C'est beau. Okay. J'espère que vous avez tous compris. Il y en a qui mettent la barre très haute. Oui, bien sûr. À mon petit chroniqueur à côté, c'est... Mais c'est très bien, tu sais, des fois, la simplicité, c'est beau, Lucas. Oui. Et bien maintenant, de quoi allons-nous parler dans En Piste les artistes? Nous allons parler de Festimagie à la Lande. Festimagie à la Lande. Alors, pour ceux qui écoutent En Piste les artistes, vous avez déjà eu un petit aperçu l'an dernier de ce qu'est Festimagie à la Lande. Et bien là, nous retrouvons un habitué d'En Piste les artistes, le bien nommé Laurent Bastide, qui est donc secrétaire de l'Amicale Robert Houdin et qui s'occupe de la programmation artistique de Festimagie à la Lande. Laurent Bastide, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Alors, tu vas un petit peu nous parler de Festimagie, que l'on connaît déjà un petit peu parce qu'on en a parlé l'année dernière dans En Piste les artistes. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même brièvement, Festimagie, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, c'est notre troisième saison, notre troisième édition de Festival J à la Lande, parce que ça se passe à la Lande, au centre socioculturel Avenue de Fronton. Cette troisième édition comprend des ateliers pour les enfants. Alors, il y a deux styles. Il y a un atelier d'initiation qui s'appelle Backstage. D'ailleurs, pour l'anecdote, le prochain rendez-vous, c'est le 15 novembre. Et c'est vraiment une initiation pour les 7-12 ans, ça dure 2 heures. Et ensuite, pour les enfants qui sont déjà un peu apprentis magiciens et qui souhaitent se perfectionner, nous proposons 4 rendez-vous où les enfants apprennent à monter un numéro. Et la dernière session consiste à faire le spectacle devant papa, maman, les frères, les sœurs, les grands-parents. Et donc, ça s'appelle le tremplin des kids, où les apprentis magiciens font le show. Et la prochaine édition a déjà commencé d'ailleurs, et le spectacle aura lieu le 18 novembre. Et Festimagie, pour résumer, c'est un festival qui a lieu à peu près tous les 2 mois autour d'un magicien, autour d'un artiste, et qui est proposé par le collectif Festimagie à la Lande, c'est-à-dire le centre socioculturel de la Lande, et l'amicale Robert Houdin de Toulouse, la plus ancienne amicale de magiciens de la région. Dont tu es secrétaire, au passage, d'ailleurs. Dont je suis secrétaire, effectivement. Alors oui, donc, pour revenir juste très vite fait sur ces ateliers, ce sont des ateliers qui sont animés par le magicien Alsen. Exactement. Et donc, pour s'inscrire à ces ateliers, comment on fait ? Alors, déjà, les ateliers sont gratuits et sur inscription. Et il y a un numéro de téléphone unique qui est le numéro du Centre socioculturel à Lande, que voici, c'est le 05 36 25 28 23. Parfait. Donc, comme ça, si vous voulez inscrire votre enfant à un atelier de magie, eh bien, n'hésitez pas, ça se passe du côté du Centre socioculturel de la Lande. Mais Festimagie à la Lande, ça n'est pas que les ateliers proposés par Alsen, c'est également des spectacles. Est-ce que tu peux donc nous parler un petit peu de cette programmation qui est très variée cette année ? Tout à fait. Eh bien, écoute, très variée. Alors, vous avez loupé, parce que ça avait lieu le 30 septembre, Raymond Raymondson, donc on ne va pas en parler. Le prochain rendez-vous, c'est un de nos dinosaures de la magie, un de nos derniers. Alors, je sais qu'il n'aimerait pas du tout qu'on dise ça de lui. Il s'appelle Jean Merlin. Alors, pour l'anecdote, c'est son vrai nom. Et c'est un grand, grand monsieur de la magie. Il a fait toute sa carrière dans les cabarets parisiens. À l'époque, il y avait beaucoup de cabarets où les artistes pouvaient faire 5, 6, 7 cabarets par soir. Tout ça pour dire que le rire est au rendez-vous. Et il y a à peu près un rire toutes les 30 secondes qui est garanti sur facture par Jean Merlin. Alors après, il y aura d'autres événements tout au long de l'année. Donc là, Jean Merlin. Avant, tu nous as dit Raymond Raymondson. Après, qu'est-ce qu'il y a, sans forcément trop rentrer dans les détails, mais pour nous donner un petit aperçu des magiciens que nous pourrons voir à Festimagie à la Lande. Tout à fait. Alors, le 17 mars, alors c'est un peu loin, mais ça vaut le coup d'attendre cette date, nous allons recevoir un thaumaturge humoristique du nom de Julien Loza. Alors, peut-être que ça va vous dire quelque chose. À une époque, quand il avait des cheveux, maintenant ils sont devenus invisibles, et ça c'est lui qui le dit, il ressemblait énormément à Dr. House. Voilà. Alors, il a fait quelques passages de télé assez remarqués sur le plan de l'humour, et là il s'est spécialisé depuis très très très longtemps dans du mentalisme humoristique, c'est vraiment à voir. Donc je ne m'étends pas trop. Et ensuite, prochain rendez-vous, c'est le 19 mai, donc tout ça on est en 2018, et nous avons notre monsieur 100 000 volts de la magie, c'est-à-dire monsieur Éric Leblond dans le spectacle qui s'appelle Le Chaud Lapin et qui est vraiment à voir. Et un peu plus tôt dans l'année, le 27 avril, nous avons rendez-vous avec le deuxième bouillon de magie. C'est la scène ouverte de la magie à Toulouse, réservée, enfin proposée donc au grand public. Et sur la scène, nous allons pouvoir accueillir des magiciens amateurs, semi-professionnels et professionnels. Voilà tout pour la programmation des spectacles. Mais il y a encore une autre branche de Festimagie à la Lande, c'est les conférences qui sont réservées aux magiciens. Exactement. Alors là, vous avez aussi loupé une date importante au travers de Maven Dumontier, qui est appelé par nos chers cartomanes nationaux, le petit prince de la magie. Ça, c'était en septembre, on n'en parle plus. Et nous allons avoir Jean Merlin le 18 novembre, juste avant le spectacle, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, propose aussi une conférence très, très, très variée. Et également à l'occasion de la sortie de ces deux nouveaux ouvrages, le tome 2 et le tome 3 de son grand livre de la magie. Rendez-vous aussi en 2018, le 20 et le 21 janvier, avec un cartomane du nom de Yves Carbonnier. Alors, le 20, c'est une conférence, alors plutôt réservée aux initiés. Et le 21, c'est un atelier réservé à 10 personnes. Le 17 mars, nous avons rendez-vous avec Julien Loza, qui est en spectacle le soir et qui sera en conférence l'après-midi. Pour l'anecdote, la dernière conférence qu'il est venu nous faire à Toulouse a duré pratiquement 7 heures. Là, on lui demandait de faire plus court parce qu'en fait, il avait le spectacle à assurer le soir. Le 19 mai, j'en ai déjà parlé, Éric Leblond en spectacle sera aussi en conférence à 15 heures dans la salle de spectacle. Donc voilà, toute une année de conférences que nous proposons à nos magiciens amateurs et professionnels de la région. Un programme très très riche donc. Merci beaucoup Laurent pour ces petites précisions. Et puis nous allons nous retrouver dans quelques instants avec Jean Merlin qui va nous parler de son spectacle et de sa conférence. Donc Jean Merlin, bonjour. Donc, vous êtes un magicien, si on peut dire, expert de la magie de cabaret en France. Et vous allez vous produire dans le cadre de Festimagie à la Lande le 18 novembre avec votre spectacle Big Magic. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ce spectacle ? Oui, c'est un spectacle qui est quasiment faisable partout. C'est un spectacle le coup aux idées reçues que pour faire de la magie il faut un matériel qui est cher ou bien un matériel qui est truqué. Moi j'utilise si vous voulez que des objets qui sont examinés et des objets de la vie courante. Je les fais vivre, je raconte des histoires, des aventures, un bout de ma vie et voilà. Et les gens sortent en général contents parce qu'ils ont appris, plein de trucs. Et dans la présentation de ce spectacle, on voit souvent écrit qu'il y a un rire garanti toutes les 30 secondes. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un spectacle vraiment basé aussi sur le comique ? Alors, le spectacle de... Si vous faites un spectacle d'une heure, il ne faut pas qu'il y ait un rire toutes les 30 secondes parce que si vous voulez, ça fiche le spectacle en l'air. Le rire toutes les 30 secondes, c'est un spectacle de cabaret qui fait 25 minutes. Et sur 25 minutes, c'est jouable. Sur une heure, ça ne l'est pas. Il faut qu'il y ait des plages de repos. Il faut que les gens aient le temps de se recharger pour repartir et redécouvrir de nouvelles choses. Donc il y a, si vous voulez, quelque chose qui est un patchwork. Un amalgame de diverses choses, dont certaines en musique, dont certaines un peu sérieuses. Mais si vous voulez, l'ensemble reste quand même de la magie qui amuse. Alors, comme je l'ai dit au début, donc, vous êtes un des plus grands représentants, en tout cas, de la magie de cabaret en France. Qu'est-ce que ça change pour vous, justement, de passer d'une magie dans un cabaret, donc où il y a un enchaînement de numéros et d'artistes différents, à un spectacle où, finalement, vous êtes seul en scène ? Eh bien, si vous voulez, on a le temps de s'installer. C'est exactement la même différence qu'il y a entre une miniature en peinture et une affiche, ou bien un tableau de Bruegel et une affiche. Dans un tableau de Bruegel, vous prenez la noce paysanne, ce que vous voulez, vous avez 120-130 personnages, et si vous le pendez dans votre salon, tous les matins, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Une affiche, c'est fait pour donner un coup de poing dans le ventre de celui qui passe. C'est supportable 3 secondes et après, ça devient insupportable. Le numéro de cabaret, qui est parfois, je dirais, un peu agressif avec les spectateurs, est supportable sur 25 minutes. C'est un peu une affiche. Dans un numéro de scène, fait une heure et parfois, moi, si le public est bon, c'est plutôt une heure et quart, on a le temps de s'installer et de donner aux gens un confort d'écoute, une respiration. On n'a pas forcément dans le cabaret où une rafale tue la rafale précédente. Et alors, une autre question qui me vient, vous êtes connu dans le milieu de la magie pour une routine en particulier, qui est la routine des boulettes, donc d'après la routine de Slidini. Sans forcément nous la décrire, est-ce que l'on peut espérer la voir dans votre spectacle ? Ah oui, je vais la faire. C'est l'avant-dernier truc. Oui, bien sûr. Si je la faisais pas, je me ferais écharper à la sortie. Ah oui, en effet, je pense qu'elle est très très très attendue. Pour le coup, justement, bah, j'en viens sur le fait aussi que vous écriviez des ouvrages pour magiciens. Donc ça me permet de préciser que par ailleurs, à 15h le même jour, vous faites une conférence adressée aux magiciens. Pour vous, quelle est l'importance justement du fait de transmettre vos connaissances de l'art magique aux autres magiciens ? Si vous voulez, nous, quand on est arrivé dans le métier, il y avait des gens avant nous qui avaient passé du temps à écrire des livres, à donner des cours, à donner des conférences. Et ça, c'était... Bien sûr, ils l'ont fait payer, mais c'était dans le but que le métier perdure. Ces gens-là sont morts, les vieux maintenant, c'est beau, et c'est à nous de faire ça pour que le métier perdure, si vous voulez. Moi, je veux que mon métier continue, je ne suis pas trop inquiet, parce que le personnage du magicien est ancré dans l'inconscient collectif, il correspond à un besoin, comme la croyance, il y a une espèce de demande, si vous voulez, et donc il faut, c'est à nous de donner des armes aux jeunes magiciens pour qu'ils puissent faire ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire une carrière. Et justement, parmi vos nombreuses publications, il y en a une particulièrement... qui en tout cas reste, je pense, dans l'esprit des magiciens français et même pas que français, c'est la revue Mad Magic. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette revue Mad Magic ? C'est une revue magique et satirique. Cette revue était faite parce que on en avait marre de l'académisme des magiciens installés. Moi, à l'époque, j'étais jeune, c'est-à-dire quand on est jeune, on tire sur les statues, c'est une bonne guerre, ça se fait dans tous les milieux, et maintenant, les statues, c'est nous, avec trois autres collègues, et on nous tire dessus, et c'est de bonne guerre, c'est exactement comme un garçon qui, entre guillemets, tue le père pour pouvoir exister, ça fait partie de la vie, c'est une chose qu'il faut... tout à fait pouvoir accepter, donc Mad Magic, c'est une revue satirique dont le but était de prouver qu'on pouvait faire autre chose que le ronron des gens installés. Effectivement, il paraît que c'est rentré dans l'histoire de la magie, tant mieux pour nous et tant mieux pour les lecteurs, et puis il viendra un jour... des gens qui vont nous dégommer, et c'est dans l'ordre des choses. Ça sera avec d'autres moyens, ça sera peut-être plus avec une revue ou des livres, mais ça sera peut-être, je sais pas moi, avec des clés USB, des téléchargements, des moyens plus adaptés à l'époque. Mais de toute façon, pour qu'un art perdure, il faut à un moment que les jeunes qui ont des idées chassent les vieux. Je crois que c'est dans... comme ça. Ouais, c'est vrai que aussi bien dans Mad Magic que dans la plupart de vos livres, on retrouve chez vous donc cette plume satirique et humoristique, et c'est également joint au dessin de James Hodge. James Hodge, c'est un personnage avec lequel j'ai fait équipe 45 ans, et là ça va moins se passer parce que bon, il a 90 ans, il a du mal à dessiner parce qu'il a de l'arthrose, mais il laisse devant lui une œuvre considérable. Je pense que sans James Hodge, on va dire Mad Magic n'aurait pas existé de la façon dont il existait. En plus, on était branchés pareil, je dirais, on avait les mêmes vues sur le ballet, le jazz, la culture en général, sur la musique classique, sur le rythme. Lui, il a été maître de ballet, il a été décorateur. James Hodge, c'est l'homme aux mille métiers. Et ça nous faisait des vacances. On se réunissait dans sa maison de Vendée et on s'y mettait le matin à 9h et on terminait, il devait être minuit chaque soir. Et on avait bien rigolé, on avait écouté du jazz, on avait fait des tas de choses. Et la revue, c'était aussi un prétexte pour se voir. Alors justement, ça me fait penser à une interview que j'ai entendue de vous donc, pour le site ShopCup, qui est donc un site d'interview de magiciens, où vous parlez donc beaucoup de Mad Magic. Et quelque chose qui m'a beaucoup fait rire dans cette interview, c'est que vous disiez que à la fois vous vous ressembliez beaucoup sur les goûts avec James Hodge, et en même temps, il y avait une différence monumentale dans la façon de faire. Lui était un peu bordélique et vous, au contraire, plus ordonné. C'est totalement ça. On a été un couple, entre guillemets, dans lequel chacun devait faire des efforts. Lui, son bordel m'agaçait prodigieusement et moi, ma rigueur extrême l'agaçait prodigieusement. Mais on voulait que notre couple dure et chacun a mis de l'eau dans son vin. On avait une table en bois. De son, si vous voulez, on avait mis un ruban adhésif au milieu de la table. Et de son côté, il pouvait faire tout le bordel qu'il voulait. Il y avait des crayons, des gommes, des vieux papiers, des verres à moitié pleins, des plumes, des encriers renversés. Il y avait... et de mon côté, c'était aux limites de l'ascétisme. Il y avait un clavier, il y avait un scanner qui était sous la table, une rame de papier et un crayon, une gomme, et c'était tout. Et c'était effectivement un contraste rigolo, oui, c'est vrai. Mais on a, c'est un couple. C'est un couple dans lequel chacun tolère les défauts de l'autre. Alors, pour revenir un petit peu maintenant sur la magie de cabaret, on a un petit peu le sentiment que, justement, les cabarets, tels qu'on l'entend avec ces successions de numéros, ont tendance un petit peu à disparaître. Est-ce que c'est uniquement une impression ou une réalité ? Ah non, c'est une réalité. Déjà, les cabarets, il faut faire la différence entre un cabaret et un dîner-spectacle. Le cabaret tel que je l'ai connu moi quand j'étais gamin, il n'y en a plus. Il y en a zéro. Après, il y a des dîners-spectacles. Je dis une sottise, il y a le Crazy Horse dans lequel on ne dîne pas. Mais dans tous les autres, on dîne. Donc, ce sont des dîners-spectacles. Alors, seuls les plus gros sont en train de surnager, si vous voulez. Moi, quand j'ai pris le métier, il y avait 86 cabarets. Maintenant, il y en a 5. Donc, effectivement, il n'y a plus de boulot pour tout le monde. Je pense que c'est un genre qui va se mourir avant d'être renouvelé autrement. Voilà, je ne sais pas trop. Peut-être que les gens n'ont plus envie de voir du spectacle à la fin du repas. Peut-être qu'ils vont venir voir des gens qui font effectivement les one-man shows, enfin des seuls en scène, comme on dit. Et voilà, peut-être que ça évolue. Mais effectivement, il n'y a plus, de cabaret, comme, c'est vrai. Alors pour clôturer cette interview, on a une petite tradition dans l'émission. Nous demandons à notre invité de choisir une chanson, soit qui lui plaît, soit qui lui passe par la tête, tout simplement, pour clôturer son interview. Donc je vous laisse choisir la chanson que vous souhaitez. Là, vous me posez une colle. J'aime trop de chansons. Je vais choisir Le temps ne fait rien à l'affaire de Georges Brassens. J'aime beaucoup les portraits un peu acides que fait Brel dans le genre ces gens-là, ou ces espèces de peintures flamandes qui sont plus incisives que Brassens, mais j'ai besoin des deux. Donc voilà. Je sais pas. Et bien, merci beaucoup donc pour cette interview. Je rappelle donc que Big Magic, c'est le 18 novembre au Centre socio-culturel de la Lande, avec à 15h la conférence, À 20h, le spectacle et 21h, rencontre avec le public. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Donc après cette interview de Jean Merlin, il ne vous reste plus qu'à aller voir ce qui se passe du côté de Festimagie à la Lande. Allez-y, honnêtement, ça vaut le coup. Et puis maintenant, Lucas, tu vas nous présenter un spectacle que tu as vu. Lucas, c'est à toi. Bon, et bien pour cette première émission et pour ma première chronique, je vais vous parler d'un spectacle de clowns contemporains. Pas vraiment pour les enfants, sauf les grands, bien évidemment. C'est-à-dire nous, ou plutôt vous, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Montmirail. Donc, peut-être connaissiez-vous déjà le délirium du papillon qui avait pour figure de proue Typhus Bronx ? Non ? Eh bien, ce n'est pas grave. Car voici maintenant venir la petite histoire qui va te faire flipper ta race. Ouvrez la parenthèse, tellement qu'elle fait peur. Fin de la parenthèse. Déjà, la couleur est annoncée. Tu flippes d'avance. Tu flippes d'avance ? Bah, tu vois, la couleur est annoncée et laissez-moi vous dire qu'elle est plutôt rouge vive. Mise en scène par Léa Perron et Marek Kastelnik et avec l'interprétation enflammée d'Emmanuel Gilles, alias... Typhus Bronx. Typhus Bronx est un personnage singulier mais pas tout à fait seul dans sa tête, qui aime distribuer des doudous sadomasochiques ou encore vous donner des chamallows grillés au chalumeau. Et surtout, il aime raconter des histoires. Celle qui va nous faire flipper notre race en l'occurrence. Et c'est donc à travers le conte du Genévrier des frères Grimm, déjà pas très joyeux à la base, c'est que clair. Typhus Bronx va pendant une heure et demie se déchaîner sur scène. C'est donc à l'aide d'une éponge, d'une fourchette, d'un couteau ou une sorte de boule de sang encastrée dans un biberon qu'il plante le décor. Oui, oui, une boule de sang encastrée dans un biberon, vous avez tous très bien entendu. Ensuite, grâce à votre aide, futur spectateur, ainsi que ses nombreuses personnalités, Typhus poursuivra ce conte tragique, sanglant et terriblement hilarant. Car c'est bien à gorge déployée que se déroule tout le spectacle. Une fascination naît même par moments tant Typhus Bronx semble être venu d'un autre monde. Celui des grands personnages sortis d'un univers décalé, complètement loufoque, surfant avec la schizophrénie, débordant d'énergie, et où la sueur froide se transforme en gouttes de chaleur tant le comédien y mouille la chemise. En un mot, jetez-vous sur ce spectacle les yeux fermés avant que Typhus Bronx ne se jette sur vous. Et donc ce spectacle se joue actuellement au Théâtre du Grand Rond jusqu'au 11 novembre, du mardi au samedi à 21h. Bravo ! Merci, bravo, première chronique de Lucas. Bravo. Bravo pour cette première chronique, et puis un spectacle à aller voir, et qui, je pense, je l'annoncerai dans la prochaine semaine culturelle, parce qu'au vu de cette présentation, ça donne envie. Oui. Et puis bah, maintenant, moi, je vais vous parler d'un spectacle que j'ai vu à Paris. Alors, je sais... Paris, là, à Paris. À l'offre culturelle parisienne, oui. Hein. Alors la surabondance même d'offres culturelles à Paris. C'est sûr que la province. Oui. Après, franchement, à Toulouse, on est quand même pas trop mal. On est bien lotis, surtout avec Typhus Bronx. Et avec Festimagie à la langue, il faut le dire. Mais là, à Paris, j'ai vu un spectacle. Moi, c'est un artiste, c'est l'un des artistes à cause de qui je fais de la magie. Donc, je suis allé voir à Paris Arturo Brachetti. Arturo Brachetti, qui est le plus grand artiste transformiste du monde actuellement et qui a remis cette pratique au goût du jour. Il nous a présenté un one-man show. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le transformisme pour ceux qui n'ont pas d'idée, absolument aucune idée de ce que c'est? Le transformisme ou le quick change, les magiciens connaissent cette pratique sous le terme de quick change, c'est le fait de changer de tenue, de costume à la vitesse de l'éclair. C'est le cas de le dire parce que Brachetti a des changements de costume qui sont absolument époustouflants. Mais donc là, voilà, il nous emmène dans la maison, la maison de son enfance, où il nous fait découvrir des tableaux qui sont absolument géniaux, un tableau sur la télévision qui est absolument génial, un tableau sur Disney aussi qui est fabuleux, et un tableau sur la musique qui est aussi absolument génial, où vous pouvez découvrir les Beatles, Elvis et plein d'autres. J'ai pas envie de vous en dire trop, parce que si vous avez l'occasion d'aller voir ce spectacle à Paris, allez-y, ça se joue dans un tout nouveau théâtre en plus, dans le théâtre 13e art, qui est donc le théâtre qui s'est installé à la place de l'ancien cinéma du centre commercial Italie 2. Allez-y, vraiment, ça vaut le coup, et si jamais il passe à Toulouse, on ne manquera pas de vous l'annoncer. Et puis maintenant qu'on a parlé un petit peu de spectacle que l'on a vu... de spectacle que l'on va faire. Exactement, puisque vous savez que quasiment tous les animateurs et chroniqueurs dans Piste les artistes sont eux-mêmes des artistes. Mais oui, ça tombe bien. Et puis on va commencer par Lucas, parce que on pourra te voir sur scène du côté d'Agen. Ah, du côté d'Agen, exactement, au Contrepoint Café Théâtre, où je jouerai un spectacle pour enfants de marionnettes. Donc même si j'ai une formation de comédien, je m'improvise ici en tant que marionnettiste aux côtés de Caroline Kéruel, qui est aussi la metteuse en scène. Donc, je n'ai pas présenté le titre du spectacle, s'appelle Lila et Nadou. Et c'est l'histoire d'une amitié, une amitié impossible, entre guillemets, entre deux jeunes personnes qui vont tenter de poursuivre le rêve de leur amitié toute leur vie. Et peut-être vont-ils se retrouver suspense. Attention, ça donne envie d'aller déjà le voir. Ça. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller voir ça du côté du site internet du Contrepoint Café Théâtre à Agen. Et puis maintenant, on va parler un peu de nous, Clément. Oui. Évidemment, un petit peu d'autopromo ne nuit pas. Jamais. Mais vous pouvez nous retrouver sur scène, sur la scène du Café Théâtre le 57 du côté des Minimes avec notre bien-aimé Scrooge. Eh oui, on vous en parle depuis un an. Eh bien, on n'a toujours pas arrêté. C'est ça. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient nous voir, on n'est toujours pas désespéré. On continue. Eh bien, vous pouvez voir ce spectacle Étrange Noël de Monsieur Scrooge en décembre, le vendredi 8 décembre à 20h et les jeudis 14 et 21 décembre à 21h30 au Café Théâtre, le 57 du côté des Minimes. Et c'est autant pour les petits que pour les grands enfants. Voilà, à 8 ans minimum. Parce qu'en dessous de 8 ans... On préfère être honnête avec vous, ça serait pas forcément un bon moment pour eux. Ouais. Mais à partir de 8 ans, vous pouvez vous amuser, rire, pleurer, avoir peur, ce que vous voulez. C'est un spectacle complet avec du théâtre d'ombre, des conteurs, enfin ce que vous voulez. Plein de choses. Et puis, même si vous-même, vous avez envie de faire du théâtre avec nous, c'est possible. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Exactement. Eh bien, avec Clément, nous lançons un atelier théâtre à la Maison des Initiatives étudiantes du Mirail. Ça sera un mercredi sur deux, donc à la MIE, c'est gratuit, la seule chose est que l'on vous demande d'adhérer à l'association Collectif Toumeap. Donc pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.toumeap.com et puis n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. L'instant autopromo est terminé. Voilà. en piste les artistes, c'est fini. Oh. C'est fini. Mais, on revient dans 15 jours. Ouais. Pour votre plus grand plaisir. Oh, d'accord, ça va être long 15 jours, mais promis. Déjà, vous nous manquez déjà. Et puis, je me permets de lancer une petite bouteille à la mer. Si vous-même, vous avez envie de faire de la radio, d'être inclus dans cette bonne humeur, eh ben, contactez-nous, oui, venez. Et puis, ben, n'hésitez pas à consulter un peu le site de Radio Montmirail, www.radiomontmirail.com, pour écouter toutes les émissions, pour nous envoyer vos impressions, qu'elles soient positives ou négatives. Vos lettres d'amour. Même si on doit avouer, on préfère vos réflexions positives que les négatives, bien entendu. Et moi, je rajouterais, puisque c'est le thème de notre émission, allez voir le spectacle vivant, soutenez la création des spectacles vivants. Et puis, bah, écoutez Radio Montmirail, diffusez nos émissions, on a besoin de vous. Et puis, bah, on va se quitter en musique. En morceaux. Pas de politique. Ouais. Et puis, bah, c'est des copains en plus, donc ça tombe bien. Donc, pareil, allez les voir en concert. Sugar Bones. Écoutez leurs albums. Donc, ouais, Sugar Bones, on va écouter le morceau Caradise qui est sorti sur l'EP Dig Down en 2016, donc un petit peu de pop-rock dynamique. Vous allez voir. Super instrumentiste, super chanteuse, franchement. Voilà, franchement, ça vaut le coup. Donc, ben, on vous laisse en musique et puis à dans 15 jours. À bientôt. À bientôt, merci. Get into my plane. Come, come.